Vous êtes toujours sur les ondes de CISM 89,3 FM et on vient d'entendre, je me suis trompé un petit peu dans ma liste qui vient de jouer. On est entendu en premier Paris Combo, On n'a pas besoin, et maintenant on vient d'entendre Trio avec Faut qu'il s'active. Elle est écrivaine. Elle a publié quelques nouvelles dans des revues littéraires québécoises. Elle a accouché de deux romans, Borderland en 2000 et La Brèche en 2002. Elle est également journaliste pour plusieurs magazines. Elle a fait des études en psychologie, en sexologie, en histoire et a finalement abouti avec une maîtrise en création littéraire. Marie-Cy Labrèche, tout d'abord, bonjour. Bonjour. On regarde ton parcours d'études et on se demande, t'as-tu de la misère à te brancher dans la vie? Non, en fait, non, pas du tout. Une fois que je suis branchée, là, c'est pour longtemps. Je suis très fidèle, tu sais, dans mes choix. Une fois que c'est fait, c'est pour très, très longtemps. Je décolle plus. Faut vraiment un towing pour m'enlever de là, là. Okay. Petit towing. Ça dépend, là. Un tout petit towing. Alors, c'est ça, non, c'est pas que j'avais de la misère à me brancher. Plus jeune, je voulais être sexologue. J'ai décidé ça à 10 ans. Tu voulais être sexologue? Oui. D'accord. J'avais un cours, il y avait un prof hippie qui était venu me donner un cours sur la sexualité. J'étais en quatrième année au primaire, tu sais. Puis là, c'était l'amour fou. J'ai dit, je veux être comme lui. Tu sais, peu importe la matière qu'il enseignait, il était juste cool, le gars. Il a renseigné la géométrie, que j'aurais voulu être lui. Mais il enseignait la sexologie, fait que j'ai dit, je vais être sexologue, tu sais. Fait que c'était tes premiers amours pour un prof qui débutait, finalement. Ben oui. Mais oui. J'avais une prédisposition génétique à la chose. Ben, c'est ça. puis c'est ça, fait que je voulais être sexologue, mais la lecture est arrivée, j'avais quoi, 17 ans, tu sais. C'est arrivé très, très tard, puis là, ça peut être un choix, c'était ça. Ça, okay. Ça m'est sauté en pleine face, puis c'était ça. Mais t'as fait plein de cours à l'université. Pour devenir Pourquoi sexologue. Tout d'un coup l'écriture? C'est drôle, hier je parlais avec une copine, puis je sais pas encore comment l'expliquer. J'en ai aucune idée. Je lisais pas quand j'étais jeune. Je viens pas d'un milieu cultivé. Je sais pas. À 17 ans, j'ai ouvert le livre La grosse femme d'à côté est enceinte de Tremblay. Mm-hmm. Puis c'était ça. Je savais que j'allais faire ça. Mais je pensais pas à étudier là-dedans ni rien. Tu sais, je me disais, je vais devenir sexologue, je vais avoir mon cabinet, puis j'écrirai des livres à côté. Puis finalement, ben non. Il fallait que j'aille là-dedans au complet. Mais ça a pris du temps parce que c'est ça, je suis très fidèle à mes choix. Mm-hmm. Tu sais, fait que là j'avais décidé ça, donc je restais pareil, tu sais, je me suis rendue le plus loin que je pouvais, puis à un moment non, c'était plus ça, tu sais, c'est ça. OK. Maudite fidélité. Ben des fois c'est bon, c'est pas toujours mauvais, hein? Puis on perçoit, on va parler un petit peu de tes romans si ça te dérange pas, j'imagine que non. Oui, ça me dérange. Ben OK, bon, ben on va pas, non, on passera pas à une toune. On perçoit beaucoup plus de rage dans Borderline que t'as écrit en 2000 que dans La Brèche publiée en 2002. Est-ce que tu penses que c'est assagi au fil des années? Oui, mais la rage, elle est là pareil. Elle est plus contenue, peut-être. Ça devient une rage quasi technique, mon affaire. Mais elle est là. Dans quel sens, technique? C'est comme si j'ai appris à la contrôler, à jouer avec cette rage-là. Avant, c'était la rage qui avait le dessus sur moi. Et puis maintenant, c'est moi qui ai le dessus sur elle. Donc, c'est dans ce sens-là qu'elle est là. Mais en même temps, elle est technique pour moi pour écrire. Parce que tu l'utilises? Oui. Oui, c'est comme un petit moteur. Je passe sur le bouton, là, puis ça y est, ça sort. Puis, OK, puis t'es capable d'arrêter carré comme ça, de dire, OK, bon, ben là, je suis plus enragé, j'ai fini d'écrire, on passe à d'autres choses? Ça, je le sais pas. Je pense que c'est tout le temps là. Je pense que c'est vrai que je suis enragée dans la vie. Oui, mais une douce enragée. Je sais pas comment l'expliquer. Je suis quelqu'un de... Je suis très gentille, tu sais, j'aime pas la médisance. Je suis toute... Je suis droite, tu sais. Mais il y a une rage chez moi, là. Il faut juste pas, tu sais, je peux déclencher le petit bouton quand j'écris, ça va, ça me fait écrire. Mais si dans la vie on me provoque et on pèse sur le bouton, je deviens une furie, ça n'a pas de bon sens. Mais est-ce que tu penses que cette rage-là est nécessaire pour toi pour écrire? Oui. Ben, ça va peut-être changer, tu sais. Mais pour l'instant, oui, ça me rassure. Mais en même temps, c'est un lieu, c'est quelque chose que je connais, tu sais, qui c'est ça, c'est un petit moteur, tu sais. Mm-hmm. Fait que. Mais peut-être que le moteur va se transformer. J'en ai aucune idée. Est-ce je que me c'est... pose une question quasi psychanalytique. C'est parce qu'il est de bonne. Mais moi, en plus, mon Dieu. Mais est-ce que c'est exutoire pour toi, à ce moment-là, d'écrire? Oui. Ça a toujours eu un gros sens, malgré que c'est très cliché de dire ça, mais c'est très, très thérapeutique chez moi. Ça me fait du bien, là. Tu sais, là, c'est... Donc, tu te sens bien quand tu finis d'écrire... Ouais, peu ouais. Importe. Mais ça, c'est, commencer à écrire, c'est dur, par exemple, parce que j'ai une cassette intérieure qui dit « Ma fille, t'es pas bonne, t'es pourrie, t'es nulle, regarde. » Ah ouais. Oh oui, ça, ma cassette, elle est très forte, là, tu sais. Puis ça me prend du temps avant de passer par-dessus, tu sais, les maudits mots que je me dis tout le temps, comme quoi je suis pas bonne, tu sais. Puis une fois, il faut que j'arrive à passer dessus, là, tu sais, puis que j'entre quelque part, je sais pas où, là, mais que j'entre dans l'écriture, là, enfin, là, ça y est, là, ça fait du bien. Après, ça fait du bien. Mais... malgré les critiques qui sont bonnes, malgré les gens qui témoignent leur amour à tous les jours pour ce que tu écris, tu as encore cette espèce de remise en question, là, constamment. Ah, tout le temps. Non. Est-ce que c'est ça qui te pousse? Peut-être à écrire mieux ou à aller chercher encore plus profondément? Peut-être que oui. Je sais pas. Oui, sûrement. Ben, il y a toujours la peur de se répéter, la peur de d'être pourri, nul, et tout ça, là, tu sais, évidemment, là. Ben, je peux te dire en partant que c'est pas vrai. Ben oui. L'entrevue aurait pu s'intituler L'entrevue avec une nulle. Ça m'aurait surpris. Tu disais tantôt que t'es une personne douce malgré la rage, puis c'est justement, comment tu peux expliquer ça que moi, la première fois que je t'ai rencontré, je t'ai rencontré la première fois au Festival Voix d'Amérique, la première fois que je t'ai rencontré, je m'attendais tellement pas à cette espèce de douceur-là à l'entour du personnage de Marie-Cécile Labrèche, parce que quand on lit tes livres, ça a l'air noir, dark, ouais. Profond, puis... comment tu peux expliquer ça? Oh mon Dieu, je dois être schizophrène ou quelque chose du genre, je sais pas. Tu sais, je peux écrire des romans comme ça et puis depuis des années, j'y travaille pour Fille d'aujourd'hui qui maintenant est devenue Fille clin d'œil. Tu sais, pour les jeunes, il y a quelque chose de schizophrénique chez moi, c'est coupé en deux, là, tu sais. Je pense qu'on est multiples dans la vie. T'sais, on peut pas être juste une seule affaire. Là. C'est vrai que les médias tentent de nous enfermer le plus vite possible dans « Ah, bon, je dis pas ça spécialement pour toi. Je suis média moi aussi. » C'est facile de... comment je pourrais dire? Ça aide à écrire, ça aide à produire des choses. On les associe à ça, on va s'en servir pour parler de... Ah, ben, telle personne parle de sexualité, donc on va l'inviter dans des émissions sexuelles. T'sais, bon, t'sais. Mais on n'est pas qu'une seule chose. T'sais. Puis oui, dans ce que j'écris, il peut y avoir de la sexualité, puis il peut y avoir... c'est très rough, c'est dur, tu sais. Mais c'est ça, je suis pas que ça. Là. T'sais, ça, c'est quelque chose qui m'a marqué dans ma jeunesse, puis que j'ai essayé de transcender, tu sais. Mais je suis pas que ça, là, tu sais. Dans la preuve. Oui, j'ai l'air d'un petit minou. D'ailleurs, tu parles de sexualité justement dans tes romans, mais en lisant, on se rend jamais, on n'a jamais l'impression de lire un roman érotique. Non. Quand on te lit, malgré qu'il y a une grosse omniprésence de cette sexualité-là. Ouais. Pourquoi? C'est pas. C'est-tu de la façon que tu le traites ou de la façon que tu l'as amené ou c'est vraiment à cause justement de la profondeur de ton personnage qui fait qu'on tombe pas dans ce rose bonbon là. Ben il y a un peu de tout ça, mais tu sais moi je lis jamais de romans érotiques, je trouve ça d'une platitude assez incommensurable. Mm-hmm. Puis moi les films érotiques là, Bleu Nuit tout ça, je trouve ça encore d'une platitude incommensurable. Je préfère regarder un vrai film porno, ça c'est du vrai, tu sais. Donc quand j'ai fait que t'es pas romantique du tout. Pas tellement, non, je suis comme un bulldozer en fait. Je veux être romantique, je tellement, mais je suis pas bonne là-dedans, tu sais. Mais non, je suis assez direct, fait que pour moi quand j'écris sur la sexualité, c'est quelque chose de la vie de tous les jours, tu sais, ça fait partie de la vie, mais c'est pas érotique comme tel parce que ben dans mes livres, les filles, elles sont complètement dépluguées de leur corps là, elles se servent de leur corps pour combler les manques, pour attirer, pour garder, pour avoir quelqu'un qui s'occupe d'elles, mais elles sont pas c'est pas érotique là, tu sais, c'est vraiment le corps comme accessoire, tu sais. C'est vraiment un besoin d'amour en bout de ligne. Oui, puis c'est aussi ma manière de parler de la sexualité, c'est du symptôme sexuel. Si ça va pas bien dans le couple, dans la sexualité, forcément ça se ressent. Fait que c'est ça, ces filles-là sont en manque, mes personnages sont en manque, donc ça se sent dans leur rapport sexuel avec les autres. Dans le premier Borderline, Cici qui est une partie de moi mais qui est pas moi au complet, tu sais, c'est dans ce livre-là j'ai voulu évoluer ce que j'aurais pu devenir si j'avais pas fait de psychanalyse. Donc Cici, elle s'en va en l'air avec tout ce qui bouge, elle a besoin d'amour mais sans bon sens. Mm-hmm. Mais elle aime pas, elle sait pas aimer, elle veut qu'on l'aime mais elle sait pas échanger là-dedans, elle a pas appris à s'aimer, tu sais, c'est comme apprendre c'est comme devoir parler arabe alors qu'on n'a jamais appris l'arabe. C'est ça, tu sais, quand t'as manqué d'amour, il faut que t'aimes, mais tu sais pas c'est quoi aimer, tu sais. Fait que c'est ça, elle doit apprendre ça Hey, c'est pas pire ce que je viens de dire. Attends, j'ai reculé le tape. Oui. Puis dans la brèche. On sent ce même besoin d'amour là de la part d'Émilie Kiki dans la brèche. Oui, mais justement. Sauf que dans la brèche, elle a besoin d'amour, sauf qu'elle a tellement besoin d'amour qu'elle va pas vers la bonne personne. Parce que son besoin d'amour est tellement grand que ça fait peur de rencontrer son, d'être confronté à son manque. Alors elle est avec quelqu'un qui peut pas lui donner, qui fait que lui donner des miettes. Puis elle est habituée aux miettes affectives. Donc elle reproduit un pattern qu'elle a connu. Elle est pas encore prête pour le gâteau au chocolat. Puis la cerise sur le sundae. Mais bien sûr. On va aller en musique avec Jean Leloup, La Vie est laide. Mais j'aimerais ça que tu me dises, c'est un de tes choix musical, Jean Leloup. Pourquoi? Jean Leloup. Ah, oh, mon Dieu, c'était mon fantasme, ce gars-là, là. Ah, tabarouette. Et pendant des années, je l'aime encore énormément, beaucoup, là, tu sais. Mais et depuis que je suis jeune, je le suis partout. Je suis allée le voir des fois dans des tempêtes de neige, en campagne. On était 8 fermiers dans la salle, genre. Là. Bon, moi, je suis pas fermière, mais... Puis, tu sais, là, Jean, il était pas connu. Puis moi, j'étais là, oh. Tu sais, c'était l'homme de ma vie, tu sais, là. Puis là, ça s'est calmé, tu sais, vieilli. Louis s'est vieilli. Je l'ai interviewé. J'ai passé une journée avec lui. Mais c'était, oh non, finalement. Je l'aime bien. C'est assez particulier comme personnage, hein, d'ailleurs. Il est plus fou que moi. Avec moi, j'aime pas ça comme dépasse. Bon, ben, on va aller écouter La Vie est laide avec Jean Leloup. choisira. Ce sera moi qui l'épousera. Un jour il se calmera. Sa jeunesse il finira. Ce sera moi qui choisira. Ce sera moi qui l'épousera. Ce sera moi qui l'épousera. Ce sera moi qui l'épousera. Ce sera moi qui l'épousera. Vous êtes toujours sur les ondes de CISM 89,3 FM et on est toujours en entrevue avec Marie-Cécile Labrèche. Borderline a été publié en 2000 et Labrèche en 2002. Ça fait maintenant 3 ans qu'on attend la suite impatiemment. Aimes-tu faire attendre et te faire désirer à ce point-là, Marie-Cécile? Non, c'est vraiment pas le principe. C'est que j'étais fatiguée, je pense. J'étais fatiguée d'écrire, tu sais. J'étais très fatiguée parce que chaque fois que je faisais un livre, avant, je me vidais, mais totalement, tu sais. J'en faisais des dépressions après. C'était du vidage total, tu sais, à vouloir se suicider et tout, tu sais. Puis je trouvais mon rapport malsain. Je trouvais ça malsain, un rapport comme ça avec l'écriture. J'aimais pas ça. Que tu sois obligé de te vider, puis ben après ça, d'aller te ressourcer pour... Ben oui. Il y a quelque chose, là, ça devient comme... Quand j'ai commencé à lire, tu sais, puis que j'écoutais des entrevues avec des écrivains, tout ça, j'aimais pas ceux qui se prenaient tellement au sérieux et qui disaient « Oh, l'écriture! » Puis tu sais, c'est comme « Oh, tellement intense! » Et puis il y a que ceux qui vivent un peu à la Artaud. J'aime bien ce qu'il fait Artaud, mais ce qu'il faisait, mais être à ce point-là, puis c'est des fous, malades, tout ça, ça me dérangeait. Et puis je me suis aperçue que je devenais comme ça un peu, je prenais ça trop au sérieux, je me prenais trop au sérieux, puis je trouve que ça, c'est pas bon. Est-ce que tu penses, faire ça. Excuse-moi, est-ce que tu penses que ça affecte ton écriture, le fait justement de te prendre moins au sérieux? Est-ce que ça affecte mon écriture? Quand t'écris, là, je veux dire, on a l'impression que quand t'écris, là, de la même façon que moi quand je te lis ou quand un autre auditeur t'a lu, on a l'impression que t'écris ça d'un trait. Ouais. C'est que t'arrêtes pas de même. Ben, c'est un peu comme ça. Puis, donc, tu te concentres pas nécessairement sur... Il faut pas que je pense à ce que je vais écrire parce que je me trouve tellement pas bonne que je vais pas avancer. Okay. il y a encore ça, là, tu sais. Mais bon, toujours est-il, pour en revenir à mon truc de vouloir me calmer le pompon, là, tu sais, de moins à l'écriture, là, tu sais, là. Mais t'es bonne en imitation, en fait. Je suis pas pire, hein. Ça, c'était du Edgar Fruitier. OK. Alors, prochaine entrevue à Radio-Canada classique. Alors, j'ai pris une pause. J'étais fatiguée. Puis, j'ai été un bon bout de temps, plus capable d'écrire. Mais moi, j'ai creusé pour les magazines entre-temps. Fait que, tu sais, je produis tout le temps. Donc, j'étais fatiguée. Fait que, j'ai pris une pause. Puis là, j'ai fini mon troisième livre. Il est terminé, mon troisième roman. Okay. Qui s'appelle La lune habite un 4,5. C'est cute. Je sais pas quand est-ce qu'il va sortir, là, tu sais, parce qu'il y a toujours un délai. Là, OK. J'avais entendu parler de l'automne. C'est pas sûr. C'est pas sûr. Automne ou l'hiver. C'est pas sûr. Là, tu sais, puis je laisse ça aller. Là, tu sais, c'est comme... Là, enfin, il est sorti de moi. Là, on commence la période de correction, puis, tu sais, des affaires. Mais il est sorti de moi. Est-ce que ça a été douloureux comme accouchement? Non, pas moins pire, celui-là. Bien moins pire. Mais remarque, peut-être que ça va, la frousse va me repogner quand ça va être la sortie dans les médias. Peut-être que là ça devient, il prend vie officiellement, tu sais. Dans ce cas-là, je le sais que c'est encore mon bébé, là, tu sais, là. Mais mon rapport est plus calme par rapport à ça. Mais aussi qu'il y a, les deux premiers, c'était de l'autofiction, tu sais. C'était moi le personnage, c'était du moi, tu sais. Mais là, le troisième, c'est autre chose. OK, c'est pas comme une suite logique ou. C'est un peu, c'est la même drive, parce que c'est ma drive, là, c'est ça. Mais c'est comme si je terminais une boucle avec moi. Tu sais, il y a du moi dedans, mais c'est pas 100% moi. Je sais pas encore comment l'expliquer. Écoute, j'ai pas encore pensé à mon affaire, là. Je te le dis, c'est... Ça demeure l'autofiction, mais bâti alentour d'une autre histoire ou de quelque chose que t'aurais pas vécu? Ben, il y a beaucoup, beaucoup de fiction dans celui-là. Encore plus que dans les autres. Lui, il y en a, là, mais beaucoup, beaucoup de fiction, là. Tu sais, fait que ça me fait du bien. Tu sais, ça... Moins lourd, peut-être? Oui. Ça fait du bien, ça. Tu sais, cette distance-là, là. Elle a besoin de ça, là. Il y a La Brèche aussi qui va être portée à l'écran, ouais. Dont tu as écrit le scénario. Ouais. Comment t'as trouvé ça, écrire un scénario pour un film? Ben, c'est pas fini, on est encore dedans. Ben, je travaille avec Lynn Charlebois, qui a réalisé beaucoup de clips. Mm-hmm. Elle, ça va être son premier film. Puis c'est Roger Frappier, Monsieur Grande Séduction, là, qui est venu nous chercher. Ben, moi, j'adore. J'adore faire ça, j'en reviens pas. Ça t'a pas fait mal d'être obligé de couper des bouts de ton livre? Ah non, pas du tout. Je suis pas attachée à mes choses. Genre, faut pas changer une virgule. Je suis pas de même, moi. C'est facile de travailler avec moi, là. Tu sais, je comprends vite quand ça peut être pour le meilleur du texte, tu sais. Je tiens pas mordicus à toutes ces bébelles-là. Je me débattrai pas pour rien, là, tu sais. Si ça peut améliorer, ben, tant mieux. Alors, je prends le roman en le transformant pour le grand écran comme si c'était un nouveau livre que j'écrivais à partir du même. Ah oui? Oui, à comme ce point, ça. Là. Oui, c'est du nouveau. C'est du nouveau stock, tu sais. Okay. Je le vois comme ça. Puis... Est-ce que t'as réécrit ou bien non, t'as juste adapté? Ben, j'adapte, mais il y a certains bouts qui sont différents, là. Il y a des bouts qu'on va retrouver qui sont pas dans le livre, tu sais, mais parce que au grand écran, ça demandait ça, là, tu sais. Puis comme je vois énormément de films. Ouais, à cause, c'est plus visuel. Oui, c'est ça. Puis comme je vois énormément de films, ça me dérangeait pas. Je le voyais dans ma tête comment ça, oui, que ça se faisait pas, ça. Parce que c'est un roman, ça se passe juste dans la tête de la fille. Comment rendre ça à l'écran sans faire du voice-over, là, mm-hmm. non-stop, là, tu sais. La narration, tout ouais, le ouais, long. Ouais, à un moment, là, ça, on se tente, là, tu sais, là. On se tente. Est-ce qu'il y a une aussi grosse omniprésence de la chambre d'hôtel dans le film que dans le livre? Ben ouais. Ça vient de où? T'as-tu une mon espèce, obsession pour les chambres d'hôtel. Une obsession pour des shaggy. T'as-tu été traumatisé par des tapis shaggy dans ton enfance, non? Non, mais j'ai toujours aimé les chambres d'hôtel. J'adore les chambres d'hôtel. D'accord. Et puis, est-ce que tu sais quand est-ce qu'on on va avoir la chance de voir ce film-là? Je sais pas. Au cinéma, là, parfois ça va très vite, puis parfois ça stagne. C'est comme ça, je sais pas du tout comment. Non, tu sais pas, un an, deux ans, six je mois. Sais pas, je pourrais te dire dans un an, là, puis finalement, ça sortirait dans trois mois, comme je pourrais te dire dans trois mois, puis ça va sortir dans cinq ans. Fait que je sais pas. Ben, tu reviendras nous en parler. Ah oui. Alors, elle a publié deux romans intitulés Borderline et La Brèche. On attend patiemment la sortie du film et son troisième roman intitulé La Lune habite un 4,5. Marie-Cy La Brèche, merci beaucoup d'être venue parler avec nous ce matin. Merci à toi. Quant à moi, je voudrais remercier l'équipe de Barre Oblique aux chroniques Marika Gauthier, Valérie Bain et Jean-Philippe Bertrand. À la mise en onde cette semaine, Myriam Femi. Merci beaucoup, Myriam. Merci à vous, chers auditeurs, d'être avec nous chaque semaine. Si vous avez des commentaires, des suggestions, notre email barre@cism.com. Vous pouvez aussi visiter notre blog au http://blogspot.com. Notre numéro de téléphone, le 343-CISM en studio. Et en terminant, notre petite pensée hebdomadaire pour vos toilettes bouchées, cliquez sur réseaudégout.com et pour vos étrons flochés, cliquez sur réseaucontact.com. Merci, au revoir.